écoute Elvira. Ce soir j'ai pillave, je t'invite à danser. Ensuite au Kyriade, t'aimes bien ce resto. Mais attends, c'est la grillade. Avenue Saint-Antoine, je t'invite au grillade. Je suis pas un mec bien, je suis trop difficile. J'ai brisé des cœurs, j'ai fait des victimes. Un conseil, t'attache pas ta meilleure amie. J'ai pris son fond de telle. Comment te dire, je suis polygame. J'ai fait couler tes larmes sur ton fond de teint. S'il te plaît, t'attache pas ta meilleure amie. J'ai pris son fond de telle. Comment te dire, je suis parano. J'ai fait couler tes larmes sur ton fond de teint. T'as mal à la tête depuis que je suis plus là, t'en as des nausées. Au début, tu disais que j'étais un mec bien, maintenant je suis mauvais. Il me faut des lovés. Tu comprenais pas de langue, tu causais. Elle a la boco, elle veut négocier. Elle me parle de l'eau, je lui parle de l'ové. Elvira, viens danser mi amor. Sur la piste, c'est caliente, c'est calor. Les jalouses, regardez alors. Tu m'as chauffé, t'as trop bougé ton corps. Elvira, viens danser mi amor. Sur la piste, c'est caliente, c'est calor. Les jalouses, regardez alors. Tu m'as chauffé, t'as trop bougé ton corps. Je vais pas t'acheter des loups boudins, non, non, non. Casse pas les couilles dès le matin. Je suis direct, tu crois quoi? La couille, j'ai passé l'âge de tirer des patins. En vrai, je cherche des gains. C'est les mois, je suis bien. Je fais mon jeûne du matin. Je regarde mon téléphone, faut pas que je reste un chien. Je me prends plus la tête si elle te me nique. Je me taille de l'hôtel. J'ai plus de vodka, la compte de 5 grammes. S'il me reste du bambou, le coup, j'ai les dents pétées sous cocktail. J'arrache la dentelle. Et t'as mis dedans, tu vois pas le coup. C'est calor, les jalouses, regardez alors. Tu m'as chauffé, t'as trop bougé ton corps. Elvira, viens danser mi amor. Sur la piste, c'est caliente, c'est calor. Les jalouses, regardez alors. Tu m'as chauffé, t'as trop bougé ton corps. Elvira, viens danser mi amor. Sur la piste, c'est caliente, c'est calor. Les jalouses, regardez alors. Tu m'as chauffé, t'as trop bougé ton corps. Elvira, viens danser mi amor. Sur la piste, c'est caliente, c'est calor. Les jalouses, regardez alors. Tu m'as chauffé, t'as trop bougé ton corps. Elvira, viens danser mi amor. Sur la piste, c'est caliente, c'est calor. Les jalouses, regardez alors. Tu m'as chauffé, t'as trop bougé ton corps.